E eles passaram por aqui e deixaram a sua marca. Locutores, alguns ainda estão connosco noutros programas. Outros fazem apenas parte da nossa história passada. Mas porque recordar é viver, a Antena Web traz-lhe Replay, um espaço onde duas vezes por semana recordamos programas e vozes que por cá passaram. Aos sábados das 12 às 13 horas e às quartas a partir das 2 da manhã. Fica à escuta em Replay e conheça um pouco mais daquilo que já fomos. Replay aos sábados a partir do meio-dia e à quarta a partir das 2 da manhã na Antena Web. REM, Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos. Algo que fazemos enquanto dormimos e que nos transporta aos nossos sonhos. Na Antena Web, facilitamos-lhe o acesso a esse Rapid Eyes Movement e permitimos-lhe sonhar acordado. Durante 30 minutos, levamos até si as músicas mais relaxantes, ideais para o final de dia e início de noite na nossa companhia. REM, de segunda a quinta-feira, entre as 19 e as 19h30, na Rádio Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Todas as sextas-feiras na Antena Web, pelas 17h40, trazemos-nos um pouco desta extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Às sextas-feiras, pelas 17h40, aqui na sua Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em Inglês. Comme toi qui dort en rêvant à quoi.

na web. Sintoniza-te. Dors encore. Oh. amour dort, il pleut dehors, dort encore. Il n'est pas tout à fait demain, rien ne presse ce matin. Il nous reste quelques heures de quiétude et de tiédeur. Et moi j'écoute les bruits de vos silences dans notre îlot de chaleur et de confiance. Quand le soleil sera là, vous partirez parce que c'est comme ça. Autre peur, autre combat, d'autres que je ne connais pas. Et moi, pendant que je veille, je surveille vos sommeils. Si vous saviez que vos sommeils veillent sur mes trop longues veilles. Antena Web, a sua estação radiofónica na internet. Au-delà de nos vents, passe notre frontière. Dans ces pays soleil de sable et de pierre, là où malgré les croix et malgré les prières, les dieux ont oublié ces maudites terres. Dans sa pauvre valise, de ses maigres âmes, para todos os momentos. Assim, queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Eu sou o Dani e vou fazer-vos companhia todos os sábados aqui no Canal 2. Tenho muitas histórias e muita música para vos dar. Eu sei que vocês vão gostar. Convido-vos. Venham até ao meu quarto aos sábados no Canal 2. Quarto do Dani. Sábados às 11 da manhã no Canal 2 da Antena Web. Gostas de ritmo, energia, mesmo ao finalzinho da tarde? Então este programa é para ti. Sertanejo Pop Universitário. De segunda a sexta, levas com 60 minutos ao som dos melhores ritmos do Brasil. E se achas que é pouco, aos sábados damos-te dose dupla. Top, top, top, dose dupla. Duas horas de sertanejo pop universitário para curtires à grande a tua música no fim de semana. Sertanejo pop universitário, de segunda a sábado, a partir das 6 da tarde, na Best.

sera sûrement jamais notaire. Pas de privilégié hérité. Et si t'as pas les papiers pour être fonctionnaire, tout seul apprend à fonctionner. Que les vents te mènent ou d'entre eux. sans bras, sans larmes, pauvres et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur, puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon dans ton exil et c'est encore mieux, les inespérés, les timides celles qui comprennent sans qu'on le dise, pour qui ne suffit qu'un regard, pour que tout s'allume en un soir. Petite chanson, reconnaissance, pour ces stars mon adolescence, je n'en ai oublié aucune, chère et précieuse, une à une. Avant que je sois dans les hit parades, dans les bals ou les MJC, comme au plus haut des Colisées, celles qui n'échangent pas leur plaisir pour ce qu'on pense ou ce qu'on va dire, qui disent ok pour les enfers contre un peu de paradis sur terre, des petits moments piqués. Comme un automne au pays chaud, plein du goût des baisers volés, toujours un petit peu plus sucré, sans qu'on en parle ou qu'on y pense, sans après promis ni juré, ça n'a pas la moindre importance, quand c'est l'amour qu'on aime aimer. Je veux le rendre hommage, ce sera la seconde fois qu'elle sache qu'il m'est dommage de ne le faire que par la voix. Petit feu de toi qui s'éteint.